3 ans de carrière dans une enseigne de restauration rapide très connue. Depuis 3 ans, je me lève en me demandant de combien de bœufs, de poulets et de porcs je suis indirectement responsable de la mort. 25 minutes, c'est mon temps de trajet quotidien. 25 minutes de jambes. 25 minutes à me faire pousser des jambes dans la tête. 25 minutes, c'est le temps d'un accouchement de poème au forceps. Alors après, vous pouvez bien me dire, un peu de compétitivité, mon pote. Allez, tu vieillis, tu deviens mou. Vous pouvez bien me faire sentir et celle à l'appui, qu'il devient difficile de faire la différence entre les bœufs, les poulets, les porcs de l'holocauste précité et mon moi odeur corporelle. M'en fous. J'ai mon poème. 25 minutes pour poser ma bombe aux endroits stratégiques. Je sais comment éviter toutes les caméras. Un jour, elle explosera. Et vous verrez les taches que fait le rire sur vos chemises réglementaires.